Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Équipés d'un baluchon et de trois caméras discrètes, Nance et Moots partent nus et sans argent. Grâce au troc, des services rendus et à la générosité des personnes rencontrées, ils vont trouver vêtements, nourriture, logement et aide pour se déplacer. Ils vont ainsi partir nus d'un endroit pour tenter de rejoindre leur objectif à plusieurs centaines de kilomètres. Alors nous on est énormément dans ce truc-là d'aventure locale, d'exotisme local, d'exotisme à la française, retrouver un peu notre exotisme ici. Et on n'a pas l'impression d'être arrivé au bout de ces voyages en France. Et surtout, on n'a pas l'impression que pour l'instant, le fait que 6 films soient passés à la télé soit une limite par rapport à la reconnaissance, au fait que les gens nous reconnaissent dans la rue. Tant que ça ne le sera pas, on continuera à explorer la France. Si demain les gens nous reconnaissent et puis nous disent « Ah bah oui, venez dormir à la maison », l'expérience dans laquelle on se lance, qui est de voir si aujourd'hui le vagabondage, l'aventure en France, elle existe, cette expérience-là n'aura plus vraiment de valeur et d'intérêt pour nous. Quand tu arrives quelque part et que tu toques avec tes caméras, les gens te disent « Ah ouais, non, c'est pas un truc qu'on vous dit systématiquement, on vous a déjà vu ?» Oui, oui, ça arrive bien sûr du fait d'être reconnu, mais ça reste assez... c'est quelque chose qu'on peut facilement éviter aussi. Je dirais « Bah oui, d'accord, très bien, mais et vous, quoi ?» C'est quelque chose qu'on peut laisser de côté, voilà, ça fait partie du truc, mais... Il y a aussi des gens qui ne reconnaissent pas beaucoup, qui ne connaissent pas l'émission. Donc ce que dit Moots, c'est si jamais il y a des gens qui nous reconnaissent, il y en a certains avec qui la caméra ne sera pas un prétexte de séduction et du coup qui biaisera un peu la rencontre. Il y en a qui resteront naturels. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne nous reconnaissent pas et qui n'ont pas vu l'émission à la télé. Et du coup, nous, on continue de s'amuser et de découvrir la France. Le montage, qui c'est qui le fait? C'est vous ou bien c'est une boîte de prod? C'est Charlène Gravel, donc qui est monteuse professionnelle et qui, sur ce programme-là, est co-réalisatrice aussi à nos côtés. Ce serait impossible pour nous de faire le montage parce qu'on ramène entre 60 et 120 heures de rush pour faire un programme de 52 minutes. Donc ça fait quasiment 98-99% qui partent à la poubelle. Le rôle de Charlène est très important dans le sens où elle apporte sa touche personnelle, son art qui est le montage, qui complète énormément ce que nous on peut apporter dans ce qu'on choisit de filmer, dans la façon qu'on choisit de traiter une situation. Et elle a une sensibilité incroyable qui permet de vraiment souligner, de mieux partager ce que nous on peut ressentir et où là on se sent un peu handicapé parfois à ne pas savoir mettre les mots dessus. Elle arrive à lire dans nos images et à faire passer ce qu'on a envie de faire passer alors que nous... On reste à fond par rapport à ça, quoi. Et puis il y a aussi ce côté-là que c'est une femme. Et c'est vrai que ça pourrait vite tomber dans un concours de testostérone. Qu'est-ce qui va vers le truc le plus fou? Et c'est vrai que le regard de Charlène là-dessus est important parce qu'il y a beaucoup de poésie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intelligence aussi. Elle arrive à décrypter les personnes qu'on rencontre avec beaucoup de finesse et puis avec quelques images, leur dresser un portrait assez juste. Et du coup, voilà. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Sur vos lieux de départ, comment est-ce que vous vous y rendez? Quelqu'un vous y dépose ou est-ce que vous y allez normal, habillé, et puis là vous balancez tout dans la forêt, dans les sacs poubelles et vous partez? Non, alors sur ce point-là, tous les films qui ont été faits avec le souci de ne pas se mettre en danger. Donc on n'est pas expert en technique de vie primitive, on n'est pas expert en vie sauvage. Et du coup, il nous fallait à chaque fois une reconnaissance pour s'assurer que le lieu où on commençait disposait d'un abri, ou alors qu'on pouvait construire un abri. Et puis aussi pour la réalisation des films, il fallait s'assurer aussi d'une diversité. de décor, de technique et tout ça. Donc, il y a toujours quelqu'un qui nous accompagnait pour qu'un ou deux jours avant, on passe un peu de temps sur le début, s'imprégner de l'endroit et partir serein. Et surtout, effectivement, c'était très important pour nous de s'assurer qu'il n'y ait pas de produits dangereux, des seringues, du verre, quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas un centre de vacances avec plein d'enfants juste à côté, parce que quand on démarre effectivement tout nu. Mais par contre, on veut s'assurer qu'on a le temps de se fabriquer des vêtements de fortune à base de végétaux, de déchets, pour pas choquer et ensuite être plus confortable pour aller rencontrer des gens. Et après, donc, effectivement, cette personne-là récupère nos vêtements. Et nous, on est lâchés dans la nature et on prépare nos petits cadeaux, on prépare nos vêtements. Et une fois qu'on a passé notre nuit dehors, qu'on se sent prêt pour aller rencontrer les gens, et là, c'est parti pour l'aventure. Et là, il se passe ce qui se passe. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes lâchés, les gens ne vous suivent pas forcément, personne ne sait où vous êtes, sans papier. On a nos papiers. Tu veux dire sans papier? Sans papier, carte d'identité ou ces conneries-là? Parce que on a une carte d'identité dans le sac, mais au-delà de ça, non, personne ne sait où on est et personne ne nous suit. Ce serait de toute façon impossible. Ça, c'est quelque chose qu'on avait imaginé à un moment au début, quand on voulait partager ça. On s'est dit, effectivement, on pourrait aussi partir avec une troisième personne, mais ce serait pas possible. Va faire de l'avion stop ou même du stop normal, de l'autostop avec une troisième personne, c'est physiquement pas possible. Il fallait que la troisième personne joue les mêmes règles que nous. C'est-à-dire, je voyais pas un réalisateur dans sa chaise en train de manger une pomme pendant que nous, on était frigorifiés en train d'essayer de faire du feu, tu vois. On a fait le choix de partir tous les deux, que ce soit vraiment sans équipe technique. Et on est assez content de ce show-là parce que finalement, on arrive vraiment à rentrer. On n'est pas de très bons acteurs aussi, donc on est obligé de se mettre dans la situation. Et la phase du tout nu, ça dure combien de temps? Un jour, deux jours? 24 heures généralement. On part le soir, on passe une nuit dehors et puis on continue le lendemain matin. Mais dans le film, ça représente 5%. Disons que comme il n'y a pas de rencontre, que c'est beaucoup entre nous, s'il n'y a pas un intérêt dans la nature de montrer une technique, par exemple faire du feu en frottant deux bouts de bois ou trouver une plante pour la manger, s'il n'y a pas cet intérêt-là, souvent c'est assez rapide et puis le lendemain matin on est déjà en train de s'habiller avec des éléments végétaux ou recyclés, puis on va rencontrer les gens. Ce que je trouve génial, c'est que vous vous amusez, quoi, et ça c'est vraiment bien. Vous faites un truc qui vous plaît, il y a de la joie dans ce que vous vivez. Ouais, beaucoup de joie. Ouais. On rigole bien. Ouais. Bon, il y a des grosses galères aussi, hein, mais enfin des grosses galères. Des moments où, quand il fait froid, et puis pour de vrai, quoi, il n'y a pas la doudoune à côté. Mais en même temps, des galères choisies quelque part, quoi. C'est ça, exactement. C'est choisi et c'est volontaire, et on sait aussi dans une certaine mesure à quoi on s'expose quand on fait ça. On sait qu'on s'expose à des sentiments qui sont pas forcément agréables, mais on essaye de les dépasser, puis de voir ce qui s'y trouve aussi dans la faim, dans la peur, dans la soif, dans le froid, et de voir aussi quelles aptitudes on peut avoir. Et ça a été une grande découverte, de s'apercevoir que on vit dans un monde où pour beaucoup de gens, pour ceux qui ont un emploi dans un bâtiment, on est entre 18 et 22 degrés toute l'année, tout le temps. Dans notre voiture c'est climatisé, chez nous c'est climatisé, dans les bâtiments c'est climatisé, et ressortir de ça et puis aller mettre le nez dehors et puis passer une nuit, même s'il fait 5 degrés voire plus froid et qu'on est tout nu, c'est possible. Alors après, il faut une certaine condition physique, mais on n'est pas non plus des surhommes. Enfin, il y a des gens qui font ça, qui ont fait l'armée, qui ont un corps vraiment endurci pour ça. Nous, pas du tout. Mais ça n'empêche que par certaines techniques qu'on peut retrouver, par une respiration, une relaxation, une confiance, et normalement, il y a beaucoup la question de la confiance, on arrive beaucoup plus à traverser ces difficultés. La faim, c'est pareil. Le sommeil, c'est pareil. Donc c'était vraiment passionnant, ça. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne.

Il y a un énorme plaisir à marcher pieds nus, mais au bout de 300 mètres, le plaisir, il n'est plus là. Enfin, surtout, ça dépend de où, mais bon, il y a plein d'endroits où marcher pieds nus, ce n'est pas forcément agréable quand c'est sur la longueur. Donc, de dépasser ça et de retrouver le sens de ce que c'est que de se laver les dents, de ce que c'est que pouvoir dormir sur un matelas dans une couette, quoi. Quand la veille, on avait des petites branches qui s'incrustaient dans la peau, la fumée du feu qui nous intoxiquait, mais en même temps, il fallait bien être proche du feu pour avoir un peu de chaleur. C'est se retrouver le vrai sens des choses. Alors, c'est marrant, pour la petite anecdote, on a été beaucoup influencé par la sobriété de Pierre Rabhi dans cette réflexion, de se dire, mais est-ce que c'est possible de retrouver l'essentiel et puis de s'en satisfaire, quoi, au lieu de toujours courir après plus de confort, plus de matériel, se dire, est-ce qu'il y a un niveau à partir duquel on est satisfait, si nos besoins premiers sont satisfaits, et à partir duquel on peut retrouver une certaine forme de bonheur. Et moi, je me souviens, les premiers films qu'on faisait où on était tout nus dans la nature, j'avais très très froid, c'était pas agréable des fois de marcher pieds nus. Alors, il y avait des moments de grande joie aussi, mais j'osais pas filmer les moments où ça allait pas trop, quoi. Et j'ai mis longtemps dans le processus des films à m'autoriser à filmer ces moments et à me dire, mais c'est pas parce que c'est difficile que ça salit l'image de ce retour à la nature, de ce retour à l'essentiel, mais c'était pas clair, quoi, pour moi. Il fallait forcément que ce soit du bonheur d'être tout nu, et ça l'était pas. Des fois, c'était très difficile, mais c'était cette joie-là de se sentir en vie au bout du compte, quoi. De prendre du recul pour se rendre compte que c'était toute cette aventure passée par ces moments de joie intense, mais aussi par ces moments de difficulté, et d'arriver à les voir avec objectivité, justesse. Et le deuxième challenge qui nous attendait après ça, c'était aussi de les filmer. Parce que déjà, de les accepter pour soi, c'était pas évident. Et puis, mettre des images ou des mots dessus, c'était aussi très, très difficile. Du coup, on a mis quelques films avant d'avoir ce recul. Et tiens, là, je vais pas bien. Là, j'ai très froid ou j'ai très faim. Je vais faire un plan de ça. Au nom de la liberté, de la vérité, au nom du bien contre le mal, au nom de la morale, au nom de Dieu. Toi qui nous protèges, il faut mener le combat. Non, rien ne m'arrêtera, pas même le crime, le mensonge ou l'agonie de milliers d'innocents, de millions d'innocents. Mais où décaleur pour justifier tes horreurs et de tous les terroristes. T'es le premier sur la liste, tout n'était que machination, mensonge et manipulation. Mais ne vois-tu pas enfin que tu nous mènes au déclin? Ne vois-tu pas en fait que l'histoire se répète? La chute des tours de Babel annonce une fin. C'est marrant, tu parles de Pierre Rabhi, donc la sobriété heureuse, la décroissance, un petit peu un retour à une vie plus simple. C'est ça aussi, c'est casser cette routine hein, dans laquelle on est complètement embourbé, qui nous rend aveugle, une sorte de famine de l'essentiel qui sévit aujourd'hui dans notre société. Et c'est peut-être ça le message finalement de ce que vous montrez aux gens, c'est que c'est possible. Un, déjà oser affronter ses peurs. Deux, c'est possible. Et trois, le merveilleux est dans le simple. Ouais. J'ai aucun mot à rajouter. T'as vraiment été très juste. Ouais. Il y a eu deux choses qui ont été très importantes pour nous depuis le début. Il y a eu cette histoire de sobriété heureuse qui est très chère à Nance, qui a eu un écho chez Bonne Pioche, chez France 5. C'est aussi pour ça que ça a très bien fonctionné. La mayonnaise a pris dès le début. Et il y avait aussi cette question d'humanisme qui me touche beaucoup, dans le sens où derrière ces peurs, et c'est aussi quelque chose qui est très fort entre Nance et moi, c'est que on s'est aperçu qu'on n'avait pas le choix pour que ça se passe bien, qu'il fallait se concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Alors qu'on vit dans un monde où j'ai l'impression qu'on se concentre sur ce qui nous divise avant de se concentrer sur ce qui nous rassemble. On va avoir des débats infinis sur est-ce qu'il faut porter tel vêtement, telle marque religieuse, est-ce que voilà, nos idées aux politiques, etc. Mais au fond, on est tous d'accord pour dire que quand il fait froid, et qu'est-ce que ça fait du bien de prendre une boisson chaude quand on rentre chez soi. Alors ça paraît un peu naïf de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on focalise notre énergie, et entre Nance et moi, on focalisait notre énergie au début, parce que on est issu de cette société qui fonctionne comme ça, sur maintenant je suis pas d'accord sur ce détail-là, et du coup je vais m'entêter, alors qu'on est d'accord sur 98% de la philosophie. Et dans ce travail d'équipe avec Bonne Pioche et avec France 5, ça a été merveilleux de s'entendre là-dessus, sur ces idéaux de sobriété heureuse et d'humanisme, de dire on est d'accord là-dessus, on avance ensemble. Et c'est ce qui a pu donner jour à ce projet-là qui nous touche beaucoup, qui résonne très justement et qui résonne très justement pour beaucoup de gens aussi. On a eu des retours de la part d'adolescents, de personnes qui ont plus de 90 ans, qui étaient touchées par des choses différentes, que ce soit par la sobriété heureuse, que ce soit par le fait d'affronter les peurs, que ce soit par le lâcher prise ou par la diversité des gens, par la générosité. Bref, chacun y trouve son petit message et la chose qui résonne. Mais en tout cas, c'est beau pour nous de voir à quel point là-dedans, on trouve tous quelque chose qui nous intéresse et on s'en fiche de ce qui nous divise. Ouais, ce que je retiens aussi, c'est peut-être ça, c'est qu'on est vachement basé sur la compétitivité et vous êtes plus tourné vers la complémentarité. Tu parles de diviser, mais en fait, c'est la complémentarité, c'est ça qui permet aussi d'aller plus loin et d'avancer. Même la coopération, finalement, l'entraide, c'est vrai qu'on n'avance pas si les autres nous aident pas. Donc à partir de là, la compétition, elle n'a pas vraiment une grande utilité. Je veux dire, si la personne qui va nous permettre d'avoir des vêtements ou de manger le soir, ça devient un obstacle ou une compétition, nous ça sert pas du tout. Du coup, c'est presque si naturellement, mécaniquement, le fait de se mettre tout nu au début, ça nous poussait à avoir les relations de cette manière, quoi. C'est pas le luxe d'avoir le choix, tiens aujourd'hui je vais faire de la compétition avec les gens ou aujourd'hui je vais essayer de coopérer. Là t'es obligé et ça fait découvrir, ça ouvre des portes, quoi. Parce que nous on a le cerveau encore bien huilé, bien formaté dans cette compétition, de voir l'autre, il faut que je sois meilleur, il faut que je me positionne, je lui montre que je suis fort et tout ça. Et c'est vrai que de se mettre dans une situation qui nous pousse à avoir l'autre comme un semblable, qui va pouvoir nous aider, qu'on va pouvoir aussi aider peut-être. On essaie toujours qu'il y ait une notion d'échange dans la rencontre, c'est-à-dire que lui nous offre un toit, mais nous on va pouvoir lui offrir un coup de main à tailler la haie, etc. Dans cette vision-là, c'est vrai que ça nous fait découvrir de jolis endroits de la relation. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses. On me dit, ta chez monsieur de faire pour vous le choix qui est le bon. Je choisis que les mots et la basse gronde à l'unisson, qualifié de sauvage pour avoir le cœur vagabond. Je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le paillasson. Ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte. Stupide et ivre, non, je veux vivre libre, que la musique me délivre, que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Quelque part sur la route il y a bien quelque chose, repère ton étoile et décroche la cidulose. C'est vraiment le 1 plus 1 égale 3 quoi. Ça, c'est des choses qu'on a pu tester un paquet de fois où on arrive chez des gens, on a l'impression de quémander, de vivre au crochet d'eux. Il y a plein d'expressions comme ça qui nous revenaient et qui pouvaient, en tout cas pour moi, me faire sentir un peu coupable. Et quand on voit dans les yeux des gens ce qui se passe, quand on voit l'intensité des adieux, des au revoir, alors qu'on est avec des gens qui sont des gens lambda, qui ne sont pas des acteurs, qui ne jouent pas un jeu, waouh quoi. On a réellement, en tant que voyageur, apporté quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, de se rendre compte que le voyageur, qui est différent du touriste, peut apporter quelque chose et peut avoir un vrai rôle dans notre société, et un rôle qui a été oublié, qui peut-être à une époque était plus le rôle du pèlerin, de la personne qui passait d'un endroit à un autre, qui colportait des idées, qui disait tiens, à tel endroit il se passe ça, ou les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, tiens, à tel endroit il y a tel fromage, il y a telle spécialité culinaire, je vous en apporte un petit bout. Aujourd'hui, il n'y a plus l'utilité de ce rôle-là, parce qu'il y a les supermarchés pour tout ce qui va être de matériel, il y a Internet pour tout ce qui va être de l'ordre de l'information, mais néanmoins, il y a quand même, au-delà de ce qu'un voyageur peut transporter, matériellement ou immatériellement, il y a quand même un lien physique qui reste, un lien presque affectif aussi. Et ça, aujourd'hui, moi j'ai eu l'impression de redécouvrir ça, de redécouvrir cette utilité, et je me sens vraiment bien là-dedans, de sentir que j'ai un rôle et que, pour de vrai, sans rendre un coup de main, sans offrir un cadeau, déjà, par notre présence, on apporte quelque chose. Et ça n'a pas été facile de l'accepter, ça. Alors, apporter, moi aussi, ce qui résonne en moi là-dedans, c'est le mot découvrir, quoi. Il y a le côté où ça existe déjà, en fait. C'est tout à l'heure, on parlait des peurs. C'est comme enlever les couches, enlever les couvertures de peur et découvrir quelque chose qui existe déjà, une nature qu'on a tous, quoi, de notre nature humaine. Et quand on touche ce petit joyau, ouais, quand on découvre ça chez l'autre, quand on découvre ça chez nous aussi... je crois que là il y a des grands instants de joie partagés avec les gens qu'on rencontre. Et alors c'est marrant parce que souvent on se dit que découvrir c'est enlever des couches, et nous c'est aussi symboliquement pour ça qu'on part tout nu, quoi. On enlève toutes les couches au début. Alors au début c'est physiquement, et puis après dans les rencontres, une fois qu'on est habillé, c'est un exercice plus voilà, dans la relation, essayer d'enlever les préjugés, les ci, les ça, et puis d'aller voir l'autre nu intérieurement, quoi. Alors c'est pas facile, quoi. C'est faut être tout le temps vigilant parce qu'on se rend compte que voilà, y a les habitudes qui reviennent. C'est un exercice, voilà, se remettre dedans. Mais vous l'avez fait. Vous dormez où ce soir? Ah, ce soir on a la chance d'être à l'hôtel. Ça nous arrive jamais. Ça va être trop drôle. Grâce à la superbe organisation du Grand Bivouac, on a une chambre réservée. Et ça nous fait presque bizarre, je dois t'avouer. Merci en tout cas à tous les deux, et puis bah, c'est bien, continuez, c'est chouette, l'idée est bonne et tout est possible. Merci à toi Alex. Merci. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre. Sentir. Toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs. Pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site internet www.regardeailleurs.org.